Alors expliquez-moi ce qui se passe. Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Vous êtes fou, mon petit. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini et au-delà. Mathilde Serrel. Atterrissage réussi en 1940. Et maintenant, nous allons nous avancer dans la grotte. Sur ces pierres, sur ces parois rocheuses, des fresques de peinture absolument étonnantes, je devrais dire, vraiment abasourdissantes de vérité et de conservation. Voici donc le Louvre préhistorique dont parlent tant les journaux et qui distrait un peu de la guerre. Ici, près de Montignac, en Dordogne, se trouveraient les plus belles peintures rupestres du monde. J'en avais vu des photographies en noir et blanc, mais à observer la rotonde de cerfs et de chevaux en pleine cavalcade, on se croirait à la Géode. Certains spécialistes comparent déjà la grotte à une véritable chapelle Sixtine de la préhistoire. Quatre gamins l'ont découverte lors d'une chasse. C'est leur chien qui a suivi un lapin et s'est retrouvé dans un trou. Véritable porte d'entrée de ce trésor, en sommeil depuis plusieurs millénaires. Okay, alors là, on est à l'entrée de la grotte, là on voit une colonne. Une première salle, un conduit, puis à nouveau une autre salle. Les enfants, qui ont vite compris le caractère exceptionnel de ces peintures, en ont fait un croquis à leur instituteur, Léon Laval. Aucun lien avec Pierre, le vice-président du conseil, qui vient d'être évincé. Et les gars, c'est ultra glissant, faites gaffe. J'ai justement décidé de rencontrer ce fameux instituteur, puisque certains s'interrogent, s'agit-il de peinture authentique ou de reconstitution fantaisiste? Je n'y croyais pas, mais ils ont tellement insisté que je suis venu aux abords de la grotte. Et alors j'ai alerté tout de suite l'abbé Boy qui était à l'école pour suivre. Il m'a dit, mon cher ami, c'est presque trop beau. Grâce en outre à cet éminent abbé Breuil, paléontologue et préhistorien au Collège de France, nous savons depuis quelques décennies que la grotte d'Altamira, découverte à la fin du siècle dernier, n'était pas un faux. Mais jusqu'à maintenant, l'art de Cro-Magnon, ce n'était pas vraiment de l'art. C'était des représentations symboliques, disons, rudimentaires. Avec son cousin, il fricote. Ils font que traîner dans les grottes. Ils s'amusent avec la peinture à faire des dessins sur les murs. Mais partout, ils sont passés. Je les oblige à tout effacer. Une caverne, on doit la laisser dans l'état où on l'a trouvée. Là, je suis incontestablement devant un ensemble qui se veut cohérent. D'ailleurs, à Paris, messieurs Bonnard et Matisse en sont bouleversés. Picasso, la star du moment, aurait même déclaré que les artistes modernes n'avaient rien inventé. Ici, à Lascaux, il a enfin trouvé son maître. Et si dans quelques milliers d'années, lorsqu'on retrouvera ces figures, lorsqu'on retrouvera ces fresques qui seront certainement aussi bien conservées que maintenant, et que l'on retrouve également en même temps quelques débris de céramique de certains peintres fameux d'aujourd'hui, en comparant les deux, est-ce qu'on ne pourra pas se demander où est la vraie préhistoire et où est la vraie civilisation? Comment Sapiens pouvait-il penser à faire de l'art, alors que contrairement à nous, il ne connaissait pas de modèle de représentation? Est-ce une chapelle chamanique, un premier musée, un cinéma? Une chose est sûre, cette création est pensée et codifiée. Que ce soit dans un but magique ou artistique, c'est un but construit. Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur. Transportation réussie. Vous êtes de retour au 21e siècle. Ce que l'on peut dire, 80 ans et 3 reproductions plus tard, c'est qu'avec la grotte de Lascaux 1, Sapiens cesse d'être un lointain ancêtre fruste pour devenir notre égal. Gilles Lafleur, aquarelliste aux ateliers de fac-similé du Périgord. Avant, on avait des représentations parcellaires. On pensait que Lascaux aussi, c'était le départ de quelque chose. Bon, très vite, on s'est rendu compte qu'avec Chauvet, avec Kosker, que 25 000, 30 000 ans, 35 000 ans, il y avait déjà des représentations complexes. Maintenant, on trouve des gravures qui sont vieilles de, en Afrique du Sud, par exemple, à Bombos, des gravures qui sont vieilles de 70 000 ans. Et on en trouve partout dans le monde. Mais c'était vraiment Lascaux le point de départ de tout ce questionnement. Toute l'histoire de l'humanité, on pense que l'homme est de plus en plus évolué. Et là, on se rend compte que finalement, pas tant que ça. cette évolution que l'on pensait régulière et lente, quand on regarde 20 000 ans en arrière et que les artistes nous disent c'est exactement ce que l'on fait, ce que l'on cherche à faire, il n'y a pas d'évolution, on est pareil depuis très longtemps. Les artistes modernes tels que Picasso, De Staël et les philosophes comme Bataille ne voient pas de différence entre l'art moderne et l'art préhistorique. Ce n'est sans doute pas la même personne qui a peint les taureaux de la grande salle, les chevaux chinois du diverticule axial ou encore la licorne. Cette singularité de l'œuvre et de la technique est celle qui définit un artiste au sens moderne. Repeinte, regrattée ou ornée d'écritures symboliques et de blasons, on pourrait aussi voir les peintures de Lascaux comme les premiers ancêtres du graffiti. En vérité, la découverte de Lascaux formule l'universalité du geste artistique autant qu'elle annule toute supériorité d'une culture, d'une civilisation ou d'une époque sur une autre. Pierre Soulages, génie du noir. Nous vivons dans une culture chrétienne. C'est 20 siècles. L'art grec, c'est 25 siècles. L'art archaïque, 26 siècles. Mais c'est rien du tout. Ce que je vois là, cette peinture, c'est 180 siècles. C'est là que j'ai commencé à me poser des questions importantes sur ce que nous voyons, sur la culture que l'on nous donne, qui est axée sur les quelques siècles que l'on voit dans les musées. Il y a 340 siècles, des hommes peignaient, et voilà ce qu'ils peignaient, et des choses quand même que nous admirons maintenant. Et ça, ça pose un problème, vraiment. Et ça ouvre l'esprit aussi vers ce que nous ne connaissons pas, et ce qui me fait dire que la peinture est toujours à inventer. Lascaux nous dit peut-être même que ce ne sont pas les hommes qui ont créé l'art, mais l'art qui a créé les hommes. Et ce présupposé change tout. Ce qui a changé avec Lascaux, c'est que jusqu'à maintenant, on pensait que dans un processus lent et réfléchi, c'est l'homme qui a créé l'art. Et là, on se demande si ce n'est pas ces pratiques artistiques successives, parties de rien, qui ont commencé à créer ce que pouvait être l'humanité, en fait. On peut se demander si, à force de les intelligences artificielles, si à force de créer de l'art, des machines, d'autres choses, ne vont pas évoluer pour se créer leur propre humanité. C'est un visage flou en col blanc et en habit noir. Peut-être celui d'un jeune notable du 19e siècle. Un portrait dont le nom de l'auteur laisse perplexe. Cette formule mathématique. Edmond de Bellamy, c'est le nom du tableau, n'a pas été peint par un être humain, mais pensé par un ordinateur, puis imprimé sur la toile.